السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous voici une nouvelle fois réunis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, à qui nous demandons aide et assistance dans l'accomplissement de tout bien et le délaissement de tout mal. Tout comme nous lui demandons, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder de par sa miséricorde la sincérité dans toute parole et acte. Nous avions vu dans le hadith précédent, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, certains points traitant de la foi au destin, al-qadr. Et comme nous l'avions cité dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, le hadith de Jibril, la foi au destin, le qadar, repose sur quatre points qui sont premièrement la connaissance et la science d'Allah qui cernent toutes choses passées, présentes et futures. Deuxièmement, l'écriture, c'est-à-dire que tout cela fut écrit dans la table gardée avant la création des cieux et de la terre. Troisièmement, la volonté, qui est le fait de savoir et de croire quant au fait que rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quatrièmement, la création, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, des créatures ainsi que de leurs actes. Donc celui qui aura cru en ces points, ces quatre points, aura cru en ce qui est appelé maratib al-qadr, qui sont les degrés de la foi au destin. Et le fait de croire en ces points ne veut pas dire que le serviteur doit se reposer sur ce qui lui a été écrit et décrété. Et de dire, à titre d'exemple, vu qu'Allah a écrit et décrété que je ferai partie des gens du paradis ou de l'enfer, alors il ne me sert à rien de vrai, car je ne pourrai aller à l'encontre du destin. Car ces propos sont une erreur et un égarement concernant la compréhension du destin. Donc nous allons citer bidillahi tabaraka wa ta'ala des propos du noble savant, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui vont venir réfuter cette erreur et ambiguïté concernant le qadar. Il nous dit, rahimahullah, après avoir cité les quatre degrés de la foi au destin, il nous dit, rahimahullah, le fait de croire au destin de la manière dont nous l'avons cité ne contredit pas le fait que le serviteur est une volonté concernant les actes qu'il choisit d'accomplir, tout comme il possède la capacité de les accomplir, car les preuves religieuses ainsi que les preuves rationnelles viennent prouver cela. Quant aux preuves religieuses, Allah nous dit, certes, à propos de la volonté, et quiconque souhaite prenne refuge auprès de son Seigneur, surat An-Naba, verset 39. Et il nous dit, d'après l'essence du verset, et venez à votre champ de labour de là où vous le souhaitez. Surat al-Baqara, verset 223. Donc nous voyons dans ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imputé et attribué au serviteur une volonté. Puis il nous dit, rahimahullah, et quant à la capacité du serviteur à accomplir les actes qu'il souhaite, il nous dit, et craignez Allah du mieux que vous le pouvez, et écoutez et obéissez. Surat al-Taghabun, verset numéro 16. Et il nous dit, et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqara, verset 287. Puis il nous dit, rahimahullah, puis quant aux preuves rationnelles, c'est-à-dire les preuves rationnelles montrant que chaque serviteur a une volonté et une capacité à travers laquelle il agit, il nous dit, rahimahullah, certes, chaque être humain sait qu'il possède une volonté et une capacité à travers laquelle il accomplit ou délaisse des actes. Et il fait une différence entre ce qu'il accomplit comme œuvre de par sa volonté, comme le fait de marcher, et ce qui se produit sans sa volonté, comme le tremblement de son corps, Mais cette volonté du serviteur, ainsi que sa capacité, ne peuvent se produire que par la volonté d'Allah et sa capacité. Comme il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après le sens du verset, « Pour quiconque souhaite emprunter le chemin de la droiture, et vous ne le souhaiterez que si Allah, le Seigneur de l'univers, le souhaite. » Surat At-Takwir, verset numéro 28 et 29. Puis il nous dit, rahimahullah, « Et cela, car l'univers tout entier est la possession d'Allah. Rien ne peut donc se produire dans son royaume sans sa connaissance et sa volonté. » Puis il nous dit, rahimahullah, « Et la foi au destin, de la manière dont nous l'avons décrit, n'accorde pas non plus au serviteur un argument quant au fait de délaisser les actes obligatoires ou d'accomplir les péchés. Et donc le fait de prendre cela pour argument est faux pour plusieurs points. » Donc c'est-à-dire le fait de prendre le destin comme argument concernant le délaissement des ordres religieux. Car le destin ne peut être pris comme argument que pour les affaires mondaines, universelles, qui peuvent toucher le serviteur, comme la mort d'un proche, la maladie ou autre, et non pas pour le délaissement des ordres religieux ou l'accomplissement des interdits. Donc il nous dit, rahimahullah. Donc il va citer, rahimahullah, ici, les arguments venant montrer la fausseté de cela, la fausseté quant au fait de prendre le destin comme argument lors de l'accomplissement des péchés et du délaissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, premièrement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après le sens du verset, « Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurons pas donné d'associé, ainsi que nos ancêtres, et nous n'aurions rien déclaré d'interdit. » Ainsi, leurs prédécesseurs traitèrent de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. « Dis, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. » Sourate les Bestiaux, verset 148. Donc, s'ils auraient un argument dans le destin, Allah ne leur aurait pas fait goûter son châtiment. Donc, dans le verset que l'auteur a cité ici, rahimahullah, Allah nous informe que certains polythéistes ont pris comme argument, quant au fait qu'ils ont associé à Allah, le fait de dire que si Allah aurait voulu, il ne leur aurait pas donné d'associé, ni eux, ni leurs ancêtres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cet argument par sa parole. Ainsi, leurs prédécesseurs traitèrent de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait fait goûter sa rigueur, même après le fait qu'ils aient pris cela comme argument, montre que cet argument n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme Allah l'a dit à leur sujet, il ne faut que suivre la conjecture et proférer des mensonges. Puis nous dit rahimahullah. Puis quant au deuxième argument, il se trouve dans la parole d'Allah qui nous dit, d'après l'essence du verset, des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Et Allah est puissant et sage. Surat An-Nisa, verset 165. Et si le destin donc était un argument pour les désobéissants, l'envoi des messagers n'aurait pas empêché que les gens aient un argument, car leur désobéissance après l'envoi des messagers se produit par le décret d'Allah. Donc ici, cela montre clairement que le destin n'est pas un argument pour le serviteur quant à la désobéissance aux messagers. Troisièmement, il nous dit, rahimahullah, ce qui fut rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y ait aucun d'entre vous sans que ne soit écrit sa place au paradis ou en enfer. Un homme dit, ô messager d'Allah, alors nous nous reposons sur cela. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, non, œuvrez et chacun sera facilité. Dans une version, facilité pour ce pourquoi il a été créé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'œuvrer et a interdit de se reposer sur le destin. Puis nous dit rahimahullah. Quatrièmement, le fait qu'Allah ordonne au serviteur et lui interdit. Et Allah ne lui impose que ce dont il a la capacité. Allah a dit, et craignez Allah du mieux que vous pouvez. Et il dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah, verset 287. Puis il nous dit, et donc si le serviteur aurait été forcé à accomplir ses actes, alors il aurait été chargé d'une chose dont il ne peut se défaire. Et cela est faux, comme nous montre ce verset. Et c'est pour cela que lorsque la personne accomplit un acte de désobéissance par ignorance ou par oubli ou par contrainte, elle n'a pas de péché inscrit car elle est excusée. Il nous dit, rahimahullah. Sixièmement, le fait que nous voyons certes la personne accourir et être ardente dans l'accomplissement de ce qui lui convient comme chose mondaine, jusqu'à ce qu'il puisse obtenir cela. Et il ne délaisse pas ce qui lui convient comme chose mondaine, puis prend pour argument le destin dans cela. Alors pourquoi il se détourne de ce qui lui est profitable dans sa religion et accomplit ce qui va le nuire, puis prend le destin pour argument? Les deux affaires ne sont-elles pas les mêmes? Puis il nous dit, rahimahullah. Septièmement, le fait que celui qui prend le destin pour ce qu'il délaisse comme acte obligatoire, ce qu'il accomplit comme péché, si une personne était amenée à transgresser et voler ses biens ou violer son honneur, puis prendre le destin comme argument et dire « Ne me blâme pas, car ce que j'ai accompli comme transgression est par le décret d'Allah », cette personne n'aurait pas accepté cet argument. Donc, comment est-ce qu'il peut ne pas accepter le destin comme argument lorsqu'il subit une transgression de la part d'autrui, alors qu'il prend le destin comme argument lorsque lui transgresse le droit d'Allah? Et il est rapporté de l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'un voleur lui a été apporté, qui méritait qu'on lui coupe la main. Il a donc ordonné, radiallahu anhu, de lui couper la main. L'homme a dit, « Oh, Amir al-Mu'minin, je n'ai accompli cela que par le décret d'Allah. » Et Omar, radiallahu anhu, de lui répondre, « Et nous, nous ne coupons ta main que par le décret d'Allah. » Intaha kalamuhu, rahimahullah. Donc, fin de citation de la parole du Cheikh, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Donc tout cela vient montrer la fausseté de l'argumentation du destin lors de l'accomplissement des péchés ou le délaissement des actes obligatoires. Mais qu'il est obligatoire à chacun d'accourir à l'accomplissement des ordres et au délaissement des interdits en demandant à son Seigneur subhanahu wa ta'ala aide et assistance dans cela. Et quant à celui qui se détourne de cela, puis prend comme argument le destin, alors cela ne sera aucunement accepté de lui, comme nous montre les preuves citées. Cela étant dit, nous passons au hadith suivant. L'auteur nous dit, rahimahullah, le cinquième hadith, d'après la mère des croyants, Ummu Abdillah, Aisha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque innove dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, alors cela est rejeté. Alors cela est rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une variante de Muslim, quiconque accomplit une œuvre dont nous n'avons pas ordonné, alors cela est rejeté. Ce hadith, comme cité précédemment, fait partie des hadiths autour duquel tourne toute la religion. Avec le hadith de Omar, les actes ne valent que par l'intention, radiallahu anhu, qui concernait les actes intérieurs, et le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, qui concerne les ordres et les interdits et le délaissement des choses ambiguës. Et ce hadith que nous avons entre les mains traite des actes apparents. Il est donc la balance par laquelle on juge de la conformité des actes apparents. Al-Imam ibn Rajab rahimahullah nous dit à propos de ce hadith. Ce hadith est un fondement immense parmi les fondements de l'islam. Et il est comme une balance pour les œuvres extérieures, tout comme le hadith, les œuvres ne valent que par les intentions, et la balance des œuvres intérieures. Et tout comme toute œuvre à travers laquelle il n'est pas recherché le visage d'Allah n'est pas récompensé, son auteur n'obtient aucune récompense, alors il en est de même pour toute œuvre qui ne provient pas de l'ordre d'Allah et de son messager. Alors elle est rejetée. Et toute personne qui innove dans la religion ce qu'Allah et son messager n'ont pas autorisé, alors cela ne fait aucunement partie de la religion. Le noble cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit aussi à propos de ce hadith. Ce hadith est une base, un fondement parmi les fondements de l'islam. Et parmi ce qui vient montrer son sens, la parole d'Allah qui nous dit, d'après le sens du verset, « Et certes, voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les voies qui vous feront dévier de son sentier. » Sourate les Bestiaux, verset 153. Donc ce hadith contient plusieurs masa'il, plusieurs sujets importants. Parmi ceux-là, premièrement, la mise en garde contre les innovations et le fait qu'elles soient toutes rejetées. Cela comme dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. Deuxièmement, nous avons dans le hadith la preuve que les œuvres innovées ne sont pas acceptées, et cela même si la personne a une bonne intention, et même si la personne sent que cette œuvre adoucit son cœur, car cela en réalité provient de Shaitan. Et dans ce sens va la parole de Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu rahimahullah, lorsqu'il fut questionné à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le sens du verset, pour vous éprouver lesquels d'entre vous seront les meilleurs en œuvre. Il répondit rahimahullah, c'est-à-dire le plus conforme à la sunna et le plus sincère. Car si l'œuvre est accomplie sincèrement pour Allah, mais n'est pas conforme à la sunna, alors cela n'est pas accepté. Et si elle est conforme à la sunna, mais n'est pas sincère, alors cela n'est pas accepté. Jusqu'à ce qu'elle soit conforme avec la sunna et accomplie sincèrement pour Allah. Puis nous avons parmi les masaïl du hadith le fait que la bonne intention de l'auteur n'intercède pas pour l'acte. Cela comme dans le récit du compagnon, radiallahu anhu, ayant fait son sacrifice avant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé que son sacrifice n'était pas valide et lui a ordonné sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir un autre sacrifice à sa place. Parmi les masaïl du hadith, la règle citée par les gens de science qui est al-aslu fil ibad at-tawaqquf, qui veut dire que la base est qu'il est interdit d'accomplir un acte d'adoration avant d'avoir la preuve que cela a été légiféré par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme à l'inverse, la base des choses mondaines est qu'elles soient licites jusqu'à ce qu'on ait la preuve de leur interdiction. Parmi ces masaïl, nous avons aussi l'obligation de se conformer à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans tout acte. Le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit à propos de la conformité des actes au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit rahimahullah que toute personne sache que le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam ne peut se concrétiser que si l'œuvre est en conformité avec la charia dans 6 points. Premièrement, que l'acte soit en conformité avec la charia dans la cause, al-sabab. À l'inverse de quiconque accomplit un acte d'adoration pour une cause qu'Allah n'a pas légiférée. Comme une personne qui innove un jour de fête en mémoire de la victoire des musulmans lors de la bataille de Badr, par exemple. Alors cela sera rejeté, car cela a été associé à une cause qu'Allah et son messager n'ont pas légiférée. Deuxièmement, que l'œuvre soit en conformité avec la charia dans son espèce, dans son type. Donc, si une personne venait à adorer Allah par une adoration qui n'a pas été légiférée dans son type, alors cela serait rejeté. En exemple à cela, si une personne accomplit son sacrifice avec un étalon, un cheval, cela sera rejeté et pas accepté, car il n'est pas en conformité avec la charia concernant l'espèce légiférée pour cet acte. Car les sacrifices ne sont légiférés qu'avec les bestiaux, qui sont le chameau, la vache et le mouton. Troisièmement, que l'acte soit conforme avec la charia dans sa quantité. Donc, si une personne adore Allah par une quantité supérieure à ce qui est venu dans la charia, alors cela n'est pas accepté de lui. En exemple à cela, une personne qui accomplit les ablutions 4 fois, c'est-à-dire qui lave chaque membre 4 fois, alors la 4e fois n'est pas acceptée de lui, car elle est en plus de ce avec quoi est venue la charia. Et il en est de même, et il est même venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses membres 3 fois, puis a dit « Quiconque fait plus que cela aura mal fait, transgressé et commis une injustice. » Quatrièmement, que l'œuvre soit conforme avec la charia dans la manière de l'accomplir. Donc si une personne adore d'une manière différente, adore Allah d'une manière différente de ce avec quoi est venue la charia, cela n'est pas accepté de lui et son œuvre est rejetée. Il nous dit rahimahullah. En exemple à cela, si une personne accomplit la prière en se prosternant avant la genuflexion, alors sa prière sera caduque et rejetée, car elle n'est pas conforme à la sunna dans la manière. Pareil pour une personne qui accomplit les ablutions en commençant par les pieds, puis la tête puis les mains, puis le visage. Ces ablutions seront donc caduques, car elles sont contraires à ce avec quoi est venue la charia. Puis il nous dit, cinquièmement, que l'œuvre soit conforme à la charia dans son temps. Donc si une personne accomplit par exemple la prière avant l'entrée de l'heure, sa prière n'est pas valide, car elle n'est pas accomplie au moment légiféré. Et si une personne retarde un acte d'adoration légiféré à un temps précis, sans excuse, comme de prier la prière de l'aube après le lever du soleil, sans excuse, alors sa prière est rejetée, car il a accompli une œuvre qui n'a pas été ordonnée par Allah et son messager. Sixièmement, que l'acte soit conforme à la charia dans son lieu. Donc, si par exemple une personne accomplit une retraite spirituelle à l'irtikaf dans autre que les mosquées, comme dans une école ou une maison, alors sa retraite spirituelle ne sera pas valide, car elle n'est pas conforme à la charia dans son lieu, car le lieu où se fait la retraite spirituelle, elle est mosquée. Puis il nous dit pour finir, rahimahullah, fais donc attention à ces six points et mets-les en pratique dans ce qui s'expose à toi. Puis, parmi les masailles du hadith, nous avons le fait de savoir qu'auprès des gens de science, les innovations sont de deux types. Quant au premier type, il est appelé al-bid'atul haqiqiyya, c'est-à-dire l'innovation d'un acte à travers lequel l'auteur veut se rapprocher d'Allah qui n'a aucune base existant dans la religion, comme le font certains adeptes du soufisme qui prennent la danse comme acte d'adoration par lesquels ils prétendent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, quant au deuxième type, il est al-bid'a al-idafiyya, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par un acte qui, de base, fait partie de la religion, comme al-dhikr, l'évocation d'Allah, mais par une manière qui n'est pas légiférée, comme ceux qui s'adonnent à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en groupe à voix haute. Un acte que n'a fait ni le messager sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons. Donc cela sera appelé bid'atun idafiyya, car l'acte de base est légiféré, qui indique l'évocation, mais il a été accompli d'une manière autre que celle avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis quant à la deuxième version du hadith citée par l'auteur, alors elle vient donner un sens supplémentaire à la première version, dans laquelle il est cité que tout acte innové est rejeté, alors que la deuxième version vient montrer que quiconque accomplit une œuvre qui fut innovée, alors cela est rejeté. Et cela même si il n'est pas lu l'auteur de cette innovation. Donc la première version montre la gravité des innovations. Et la deuxième version montre l'obligation pour le musulman de rester attentif quant à ce qu'il accomplit comme acte pour ne pas tomber dans les innovations et les égarements. Et donc pour finir, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de par son immense grâce, de nous compter parmi ses serviteurs qui seront des guides bien guidés, et qu'il nous réunisse comme il nous a réunis dans ce bas monde, sur son obéissance, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, auprès d'un Seigneur omnipotent. Auprès d'un Seigneur omnipotent. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.